Bonjour François Morel. Bonjour Ali. Sheila, 1989, l'Olympia. À la fin du concert, la chanteuse annonce qu'elle fait ses adieux. Les larmes aux yeux, elle interprète « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Les fans sont dévastés. Pardon Ali de vous rappeler des souvenirs douloureux. Vous n'aviez alors que 14 ans et votre avenir, comme un ciel menaçant, tout d'un coup se bouchait. « À quoi bon continuer à vivre », écriviez-vous dans votre journal intime, « si Sheila ne chante plus ses joies et ses peines, ses espoirs et ses chagrins, ses fêlures qui, en partie, sont les miennes ». Ah, je suis sûr que vous le revoyez encore, Ali, ce journal intime qui partout vous accompagnait. Ce journal intime habituellement si bien tenu, mais ce jour-là taché par la mouillure de vos larmes désespérées de fans transis et d'adolescents. Singulier, car il en fallait de la singularité pour être adolescent et fan de Sheila en 1989. Heureusement, comme un amoureux véritable, vous avez su faire preuve de patience et de persévérance et de courage à tel point que vous avez pu jouir à nouveau du retour de la petite fille de Français moyen en 1998, puis en 2002 à l'Olympia, puis au Cabaret Sauvage en 2006, et puis dans les années 2010, vous n'avez manqué aucune de ces tournées à Chtendre, et il y a quelques jours à peine, vous êtes encore procuré son nouveau single, et la douleur que vous aviez ressentie ce soir d'octobre 1989 n'est plus, Ali, qu'un mauvais souvenir, la réminiscence d'un sentiment d'abandon qu'heureusement vous avez su dépasser pour devenir cet homme accompli et confiant, capable de mener de front deux carrières parallèles qui occupent tout votre temps, sollicite toute votre énergie, pompe toute votre ardeur, vedette des médias et fan de Sheila. Si je me permets d'entrouvrir la porte de votre intimité, Ali, ce n'est certainement pas par goût du voyeurisme, c'est simplement pour consoler tous les aficionados éplorés de ces deux artistes qui, cette semaine, comme Sheila, en 1989, ont décidé de faire leurs adieux, Willem et Plantu. Car ces deux artistes qui étaient à la fois des collègues, des confrères, peut-être des concurrents parmi les plus en vue, le même jour, ont décidé de tirer leur révérence alors que dessinateurs de presse, l'un à Libération, l'autre au Monde, ils entraient dans la même exacte catégorie. Et c'est hallucinant et c'est ahurissant. C'est comme si les Rolling Stones avaient jeté l'éponge le même jour que les Beatles. C'est comme si Georges Brassens, en Père Peinard, avait mis les voiles le jour même où Jacques Brel avait décidé de se retirer aux Marquises. C'est comme si Roselyne Bachelot faisait valoir ses droits à la retraite le même jour que Chantal Latsou. Car de même qu'on est Beatles ou Rolling Stones, Brel ou Brassens, Bachelot ou Latsou, on était Willem ou Plantu. Et au moment où ensemble ils nous ont fait leurs adieux, on n'a pas envie de trier, de choisir l'un contre l'autre. On ressent une nostalgie pour ces décennies où l'on commençait la lecture de ces deux quotidiens par la découverte du dessin de l'un et l'autre. Ils nous ont dit cette semaine qu'ils s'en allaient. Mais qui sait si, comme Sheila, ils ne reviendront pas, puisque, comme dit l'un, ce truc qu'ils faisaient, ce n'était pas un métier, mais une vie, puisque, comme dit l'autre, trouver des conneries, ça me garde éveillé. Alors, bien sûr, de même que dans les années 90, vous avez fait votre deuil de Sheila en accueillant Jeanne Masse dans votre cœur, nous découvrirons avec bienveillance Coco, ainsi que les dessinatrices et dessinateurs de Cartooning for Peace. Mais vu qu'on espère Willem et Plantu en vie et éveillé encore quelques temps, on se dit que forcément, comme Sheila, au détour d'un magazine, d'un mensuel, on les croisera encore. Merci François Morel. France Inter.